89.1 FM. FM. Décision de la Radio Campus de Trois-Rivières. Bonjour et bienvenue au Panorama C'est Fou pour la semaine du 9 au 15 novembre 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Vous arrivez juste à temps pour une toute nouvelle édition des Panorama C'est Fou. Ben oui. C'est le fun, ça. On aime ça. Trois heures ensemble à parcourir le top 40, le top 20 francophone, le top 20 anglophone. Mm-hmm. On a aussi Palmer Rest in Peace avec les pièces qu'ils ont quittées depuis la semaine passée. On a aussi un instant classique qui s'en vient avec les deux dernières semaines de meilleurs moments d'assemblage requis. Oui! C'est le plan de l'émission d'aujourd'hui. D'ici la fin de l'émission, on va savoir si le numéro 1 anglophone est toujours occupé par The Matadors et Three Wolf Moon. Et du côté francophone, on va savoir si c'est toujours les Connards à l'orange qui sont en première position ou bien si ça l'a bougé. Ah ben, pardon! Eh ben, Moses! Ah ben. Alors, on a quelques nouvelles entrées. 6 en tout. Du côté anglophone, plus tard, il y aura Destroyer, Magical Clouds, Yukon Blonde et The Noble Thieves. Et du côté francophone, eh bien, on a seulement 2 nouvelles entrées. On va entendre donc du Ponctuation et du Rosie Vallant. Justement, commençons avec la numéro 20 francophone, Rosie Vallant. C'est une nouvelle pièce très, très calme. Oui, on l'a entendu d'ailleurs ce matin dans l'émission qu'on anime. T'inventes des affaires. Oh, je sais. Assemblage requis, alors c'est la pièce Quebec City. On parle en récif. 89 FM. Tu rêves d'un matin. nouvelle entrée. 19. Nouvelle entrée. Enfin, une nouvelle entrée de Yukon Blonde avec Kumo sur l'album On Blonde. Yukon Blonde est un groupe d'indie rock canadien qui vient de Colombie-Britannique. Et tout juste avant ça, eh bien, on a entendu Ponctuation avec Mon cœur est une planète. Ponctuation qui avait joué ici à Trois-Rivières en avril dernier. Aux soirées cachées, c'est fou. C'est une soirée cachée? Ben oui. Ben oui, hein? Ben oui. Si je me souviens bien, c'était une soirée cachée. Non, mais je te bien le confirme. Raison. Je te le confirme. Tu me confirmes, mais c'est bon. Avant ça, en 20e position anglophone, c'était The Noble Thieves avec la pièce How Can You Think of Love. Et ça, The Noble Thieves, Tania, je t'apprendrai que c'est un groupe de rock and soul, selon okay. eux-mêmes, et qui viennent de Winnipeg, en Alberta. Ah ouais, je trouve que ça sonne très blues. Donc, du côté soul, je suis vraiment d'accord avec toi. T'es down? Ouais, je suis down. T'es down and shit? Je suis down. Leur album s'appelle It's Tough to Be the Bad Guy. Et du côté francophone, en 20e position, eh bien, c'était une nouvelle pièce de Rosie Vallant avec Quebec City. Est-ce que tu savais? Elle a appris ça hier sur sa page Facebook, mais Rosie Vallant va faire une tournée dans pas long en Europe. Wow! Ouais! Hey. Puis il y a plusieurs de ses tunes qui jouent dans une des émissions qui s'intitule « Nouvelle adresse », si je me souviens bien. Okay. Ça joue à Radio Cannes. Oui, ben oui. Donc, ouais, elle fait parler d'elle pas mal. Crème, ça monte vite son affaire. Elle devrait changer de nom pour Rosie va vite. Eh! Eh boy! Il nous reste encore deux nouvelles entrées en position 18 et 17 anglophones. Tout à l'heure, il y aura Destroyer avec Girl in a Sling. On débute en 18e place. En 18e place anglophone, Mathieu? Ben oui, en 18e place anglophone, eh bien, c'est Magical Clouds avec Downtown. T'es-tu down and shit? Hey, je suis down and shit. C'est les palmarès, c'est fou. And shit. J'aurais dû dire avec Tania Beaudin and shit. Nothing you say will ever be wrong, 'cause it just feels good being in your arms. And I'm running with you as fast as I can, singing to myself, I wanna hold your hand. And we're going downtown. Cause we feel like running around. Is it really this fun when you're on my mind? Is it really this cool to be in your life? There's one thing I'll do if it ever goes wrong. I'll write you into all of my songs. And if suddenly I die, I hope they will say that he was obsessed and it was okay. We're going downtown. And we feel like running around. Is it really this fun when you're on? Is it really this cool to be in your life? And I'm going crazy, crazy for you. I'm going crazy, crazy for you. I'm going crazy. I'm going crazy, crazy for you, Nouvelle entrée. Horses in love, girl in a sling. How come your eyes come in and out to focus in the park all alone. Early spring, girl in a sling. Been sifting through these remains for years, bitter tears, bitter pills. Oh, it sucks when there's nothing but gold in those hills. Girl, I know what you're going through. I'm going there too. Girl, I know what you're going through. I'm going there too. I've been sifting through these remains for years, bitter tears, bitter pills. Oh, it sucks when there's nothing but gold in those hills. Girl, I know what you're going through. I'm going there too. Girl, I know what you're going through. I'm going there too. I'm going there too. I'm going there too. I'm going there too. I'm going there too. I'm going there. I'm such a poor boy. Nobody loves me. Non, mais c'est vrai. C'est fou, hein? C'est une chanson de comédie musicale. Mais moi, je l'aime bien parce que j'aime les comédies musicales. Oui, mais on trouvait que ça faisait pas mal le film de Disney, mettons. Ben, soit Le Bossu de Notre-Dame ou La Belle et la Bête, c'est ce qu'on s'est pas mal entendu ouais, pour c'est dire. Sûr. Alors, on vient d'entendre la formation Magical. Non, c'était Destroyer avec Girl in a Sling, position numéro 17 sur l'album Poison Season. Et ça, Destroyer, ça vient de Vancouver. Et tout juste avant, eh bien, on a entendu du Magical Clouds avec la pièce Downtown. Mm-hmm. Et eux, ils sont sur Matador Records, leur page Facebook, Magical Clouds, avec un J à la place du G à Magical. Oui. Et Z à la fin de Clouds. Mm-hmm. C'est cool, hein? Voilà, c'est mais c'est tellement hot, c'est trendy. Oh my God. Oh my God. Je te dirais qu'on a assez joué de nouvelles entrées. La portion New Shit de l'émission, on a joué 6 nouvelles pièces. Ce qui veut dire qu'on doit dire au revoir à 6 autres pièces, pas les mêmes. Pas les mêmes. C'est le temps de se dire au revoir. Oui, c'est Palmer, rest in peace. Just mountains of change. What's gonna happen? Voici les pièces qui nous ont quittés depuis les précédents palmarès. I'm doing extraits des pièces qui ont quitté les palmarès depuis l'édition du 2 au 8 novembre 2015. On commence avec Ponctuation et leur pièce Narcisse qui est restée au top, au palmarès, disons-le, pour quand même 3 semaines. Ensuite, Rosie Vallant, hein, a gagné une médaille. On l'a renvoyée chez elle avec Olympe qui a duré 7 semaines. Alabama Shake, c'était au palmarès anglophone, si je me souviens bien, avec Future People pour 6 semaines. Destroyer s'est réveillé de son rêve, Dream Lover avec 8 semaines. Teen Days, qu'on a fait beaucoup jouer quand même à Assemblage Ricky comme au palmarès, avec leur pièce Pink, 8 semaines aussi. Et Ratatat, à force d'utiliser un SOS, a fini par partir. Abrasive, hein, qui a duré 7 semaines. Des belles pièces quand même qui nous ont quittés cette semaine. Des gros morceaux, je dirais que la plupart, c'est des pièces qui vont me manquer. Moi aussi. C'est malheureux. Bref, voilà pour les pièces qui nous ont quittés. 6 pièces, parce qu'on a accueilli 6 nouvelles. On fait Palmarès in Peace à la fin de la portion des nouvelles entrées dans les Palmarès. C'est fou chaque semaine. Maintenant, on saute par-dessus la position numéro 18 anglophone qui était... Francophone, il n'y a pas de problème. Qui était Arthur Comeau avec Pour pêcher. Et on va aller écouter, en fait, la 17e position qui est restée au palmarès pendant 2 semaines d'affilée à la 20e. Donc, on fait un saut de 3 places pour Marie-Pierre Arthur avec Cacher l'hiver. Après la pause. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. 17. Même si demain te semble toujours trop loin, si tu pouvais au moins me dire ce qui s'en vient, est-ce que le meilleur déjà passé derrière, je me couche avec la peur de te voir m'y faire. Get et Pierre-Arthur et la pièce Cacher l'hiver, c'est tout ce qu'on a entendu dans ce bloc-là. Ben oui, parce que c'est tout. C'est ça qu'on a décidé. Ça, c'est une belle explication, tu vois. Les gens vont trouver ça valide, ils vont dire « j'approuve ». Ben, c'est définitif. Si Tania Baudin le dit, c'est valide. La vérité infuse. Et voilà. C'est jusqu'à preuve du contraire. T'as tout compris. C'est comme ça que ça fonctionne. Je suis qu'on fasse des recherches pour voir que finalement, c'est peut-être pas si vrai que ça. Hey, finalement, Justine, un matin, elle m'a rien dit, fait que je vais être correcte. Justement, t'as parlé de science ce matin à ta ben chronique. Oui. Et Justine est notre scientifique en résidence. Mais non, t'es allé sur Facebook et t'es tombé sur une image qui, ma foi, nous a fait avoir l'air de deux maudits caves en ronde. De quoi ça? Devant public, l'histoire de la langue. L'histoire de la langue. Tu te rappelles déjà pas? Tu viens juste de le faire. Que tu te sors la langue, t'es pas supposé pouvoir respirer. Oui, Hey, on manque de focus aujourd'hui peut-être. Ouais, hein? Je sais. C'est 10 choses à connaître absolument. Puis là, évidemment, on dit qu'on peut pas se laver les yeux avec du savon. On peut pas compter nos cheveux. Puis là, le numéro 3, c'est marqué « Vous ne pouvez pas respirer avec votre nez, la langue sortie. » Fait qu'évidemment, Mathieu et moi, on l'a testé. Devant public, oui. Devant public. Et là, public répondant « Ouais, mais lis après. » La prochaine étape était « Vous venez d'essayer le numéro 3? » Puis après ça, ça dit « Lors de l'essai numéro 3, vous avez réalisé que c'était possible, mais que vous ressembliez à un chien. » Pourquoi aller voir sur Facebook alors que C'est fou vous dit tout ce qu'il y a dessus? C'est ça, tout ce que vous avez besoin de savoir. Prochaine position, c'est le numéro 16 du compteur anglophone LV avec Return to the Moon, qui était une nouvelle entrée la semaine passée qui monte de seulement 4 petites places. Et du côté francophone, eh bien aussi, on fait un saut de 4 petites places, si je sais bien compter. Non, 3 places seulement pour Ariane Zita avec la pièce Soyons sauvages. Eh ben, c'est pas le malin, c'est fou. Chaque jour tu me ticket and I got triple Jesus. Cashed it in for Siamese twin at the family firing range. I went to bed and woke up beside another man's head. Nobody noticed. I'm so excited the senators are fired. Don't tell me nothing's changed. Return to the moon. I'm tired. Return to the moon. Please. But I saw one of fish from a colorblind witch, 'cause she said she loved it. Tell her the part that would break her heart, but it loved me. She said, I think you're getting too far from your family's house to find it. You should know if you're running away and I touch you, you freeze. Return to the moon. I'm tired. Monde de 4 places en 16e position anglophone. Et du côté francophone, eh bien, c'était Ariane Zita avec Soyons Sauvages. Ben oui, il était temps que j'aille vérifier si c'était Elvi ou Elvi. On nous suggère sur un article quelconque de dire Elvi comme dans Hell Pie, comme dans une tarte à l'enfer, tu sais. Ah, OK. Donc, si tu penses à Hell Pie, tu penses à Elvi. Automatiquement, voilà. Tu sais, 1 plus 1, ça fait 2. C'est exact. On continue avec les positions numéro 15 en anglophone, 1977. Là, ça, je pense qu'on sait comment le prononcer, là, oui. Comme 1977, avec We Do, qui est stable en 15e anglophone. Et du côté francophone, eh bien, en 15e place, on fait un saut de 3 places parce que la semaine dernière, ils étaient en 18e position. C'est les Revenants avec Rien ne saigne comme un pouce. Oui, elle n'a pas confondre avec Rien ne saigne comme un. Comme une poche, hein? Ah. Quoi? Rien ne saigne comme un nez? Oui. Ah, voilà. C'est ça. Rien ne saigne comme un nez. Sans contre, sans rien, pas tous aussi. 1977. La pièce s'appelle We Do et c'est stable en 15e anglophone. Du côté francophone, eh bien, c'était Rien ne saigne comme un pouce du band Les Revenants. Ah oui. On a juste assez de temps pour écouter un autre bloc avec les 14e. En anglophone, il y aura Young Rival et That's Chemistry qui est stable aussi. Et du côté francophone, eh bien, ça va être Les Sœurs Boulées avec Andaman Island. Islands. Islands. Bouche d'argent et joue rougie. J'aurais voulu plus jamais dormir dans mon lit. Des petits cailloux dans ton châssis. Me laisserais-tu entrer pour ma dernière nuit? Je sais que t'es une bête sauvage. C'est tous tes amis qui me l'ont dit. Je parle pas tout à fait ton langage. Moi j'ai peur des loups. Puis j'ai pas d'amis. Montréal, c'est vrai que c'est pas la porte d'à côté. Mais ce que je voudrais le plus, c'est te ramener avec moi. Quand il fera beau, tu pourras même enlever tes souliers. Ce qu'on a vécu, nous deux, ça se prend tes cartes. Tes meilleurs arroches, papier, ciseaux. Puis pour faire des ronds de boucanes dans l'eau. Mais je veux plus gagner à tous les jeux. La guerre en amour, c'est pour les peurs. Yeah. 14e position anglophone stable, Young Rival avec That's Chemistry. Du côté francophone, 14e position, eh bien, c'était les Sœurs Boulées avec Andaman Islands. Et voilà, c'est tout pour la première heure de l'émission, la portion New Shit. On se retrouve dans quelques instants avec les positions 10 à 6. En gros, on va pas nécessairement tout les jouer. Hein. Et on a aussi les meilleurs moments d'assemblage requis dans un instant classique. Ben oui. C'est la deuxième heure des palmarès. Il faut rester avec, je dirais, pour que ça rime, mettons, toi et moi. Ouais. Comme les Sœurs Boulées, ils font des rimes avec... Côté et moi. T'aurais pu dire moi. Mais oui. Bon. Hey, on n'est pas tous poètes? C'est ça qui est ça. T'as tout gâché avec ça. C'est fou, 89 ans. La deuxième heure des palmarès c'est fou pour la semaine du 9 au 15 novembre 2015. C'est la Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Oui, sa deuxième heure qui s'appelle la portion top 10 de l'émission et ça donne drôlement bien. On dirait que c'est arrangé avec le gars des entendus. Des entendus, ben oui. C'est le frère du gars des vues, ça. Ouais, c'est ça, je me disais. Ils sont dans la même famille. C'est ça. Donc, du coup, ils n'ont pas le même nom de famille, mais ils sont dans la même famille. Du côté anglophone, c'est la dixième Albert Cross et Ghost of Santa Fe qui montent d'une place. Du côté francophone, eh bien, on saute de quatre places. On se retrouve en dixième position pour les Hôtesses d'Hilaire, qui étaient la semaine dernière en quatorzième position, avec leur pièce Regarde-moi. Ah ben, ils devraient dire ça au frère de l'autre qui dirait plus Écoute-moi. Ah, oh, je suis d'accord. Regarde les beaux souliers que je viens de m'acheter. Alors, regarde ma dernière montre. Alors, regarde, c'est qui se casser, casser qu'un nouveau cellulaire. Alors, regarde, c'est la saison de barbecue. Alors, regarde le nouveau balcon. Alors, On regarde la rallonge à la maison. On regarde dans sa fiancée. On regarde la limousine pour mon bachelor party. On regarde dans sa mariée. On regarde sur la visage. On regarde mon bébé. Le cordon détaché. Le corps se passe en bas dans le sol. New Order et la position numéro 9 anglophone qui monte d'une place Restless sur l'album Music Complete. Oui, puis on a aussi entendu les hôtesses d'Hilaire du côté francophone avec Regarde-moi. Mm-hmm. Et entre les deux, il y avait... Entre les deux, il y avait Albert Cross et Ghost of Santa Fe qui montent d'une place. On a sauté par-dessus la 9e francophone. Qui était Philippe Braque avec Christelle. Mm-hmm. Tout à l'heure, on ira au position numéro 8, c'est-à-dire Francis Faubert et Caveboy. Mais avant ça, toi et moi, on fait pas juste animer les palmarès, c'est fou. Eh bien non, on anime une autre émission. C'est ça, mettons que celle-ci est le bonus d'assemblage requis, mettons. Mettons. Notre job principal, c'est d'animer Assemblage requis tous les matins de la semaine. Et des fois, quand quelque chose de drôle se passe, on mix down tout ça dans un seul fichier qu'on appelle un instant classique.mp3. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour les semaines du 26 octobre et du 2 novembre 2015. Un qui fait peur dans la vie, c'est bien David Ferron. Ah, oh, excuse-moi, c'est pas vrai. C'est parce qu'il a les cheveux un petit peu dans les airs aujourd'hui, il a l'air d'un savant fou. Je pensais à Tania, puis je vais ressembler à Justin Bieber. Ah, voilà. Ah, c'est ça l'affaire, c'est pareil, hein. Mais qui a dit que Justin Bieber, moi, je l'aimais? Ah, on peut t'inventer n'importe quelle personnalité, tu acceptes tout. Parce que je t'ai dit de toujours répondre oui à mes questions. Gustave, pour ceux qui ne savent pas, c'est qui Gustave. Est-ce qu'il est là, Gustave? Gustave, est-ce que tu es là? Bonjour. Oui, Gustave, comment ça va? Ben, très bien, merci, vous? Oui, très bien. Et là, tu n'es pas en studio avec nous aujourd'hui? Ben, non, c'est pour mon reportage sur la schizophrénie animale. Ah oui, comment ça? Eh bien, j'ai interviewé Théo, le zèbre schizophrène. Oh, wow, un troisième personnage. Oh. Alors, voici le témoignage de Théo, le zèbre schizophrène. Wouf, wouf, miaou! Ah, ah, miaou! Alors, c'était tellement poignant. Regarde, c'est tellement poignant. Regarde, it's life is a fucking piece of shit. Ça se voit dans son visage. Oui, merci, Gustave. Et est-ce que, donc, Théo, le zèbre, va devenir un personnage récurrent? Oh non! Pas le zèbre! Pas Théo! Non, ça a l'air que non, il sera pas un personnage récurrent. Désolé. Bah, oui. Misère, est-ce qu'on vient de tirer le zèbre? Je pense qu'on a tiré le zèbre. Tantôt, il se traitait lui-même de schizophrène. Moi, je dirais schizophrène. C'est un schizophrène. Oh, ça, c'est une maladie que personne ne pourrait expliquer, même pas moi-même, je ne comprends pas. C'est du développement d'histoire. Ça s'appelle du plot thickening. Oui. Mm-hmm. Donc, pour... Ça, c'est du remplissage de... Ouais. Oui, pour remplir... En anglais, ça se tient. En anglais, c'est très, très bien expliqué. Oui, mais en français, beaucoup. Non? OK. Ça prend du porn starch au lieu du corn starch. Où ils étaient situés la semaine dernière, je me souviens plus très bien. Ils étaient en position numéro 3. Voilà, alors est-ce que cette semaine, ils vont encore être à position 3? Mais je leur souhaite pas. C'est un peu stagnant, ça, là. Ouais. Hein? Et non pas Stania Baudin! Mais quel jeu de mots ce matin. Moi, je l'adore. The Fresh Promotion, la meilleure façon de vous montrer que nos tomates sont fraîches. Ah, les maudits français! Ouais, c'est la pub française. Ça me tape sur le gros nerf. Ouais, mais ils sont français, on peut pas... Oui, on peut. Non, on peut pas vraiment juger l'accent. Ouais, c'est ça qu'on peut! Tu vas te faire juger, là, si tu fais ça, Mathieu. Tania Baudin, et voici une édition Halloween de Tania is Gonna Entertain. C'était une petite Tania qui voulait être pour des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant c'est l'école, c'est Tania. And she's gonna entertain ya. Je suis viril. Hein? Hey! Quel thème musical Halloween! Ben oui! Mathieu, c'est métal, c'est full Halloween! C'est full Halloween! Ça aura peut-être une autre demain! Peut-être! Différente mais similaire! Qui sait? C'est, hey, donc, merci! On aurait fait mon thème musical juste pour ma chronique de cette semaine. J'aime juste ça. Pour ça! Une chanson qui est tirée du film Les Griffes de la Nuit qui est Don't Fear the Reaper de Blue Oyster Cult. À ne pas confondre avec Don't Fear the Reaper, que ouais, ça, c'est qui est un pas la même violeur. Chose. Et voilà. Reaper, qui vient chercher pour après ta mort, ben pour t'amener à ta mort. Ouais. Faut aussi pas confondre avec Don't Fear the Rapper. Ouais, mais ceux-là, ils font encore plus peur, c'est là, ça. En tant normal. Mais je me demandais si les partis politiques avaient donné des bonbons aux gens pour qu'ils votent pour eux. Est-ce que c'est ça, peut-être? C'est une grosse controverse de bonbons. Peut-être. Ou est-ce que c'est comme un suçon, le Tootsie Roll, on va peut-être révéler les secrets de Justin Trudeau en le lichant partout. On sait pas. Et c'est le bulletin. Trop d'informations. Je me suis dit, on est en semaine de relâche en ce moment. Fait que tout le monde, bon, en semaine de relâche, qu'est-ce qu'ils font? Ils procrastinent fois mille. Ben c'est ça qui arrive, ils procrastinent puis ils vont sur internet puis ils vont checker n'importe quoi. Donc oui, donc ils porncrastinent. Oh. Donc. C'est quoi? Sarah, écoute là. Que? Okay. Non. On va pas te mettre ta cul dans le bec, moi. Là. T'es pas un chat, là. Arrête de te frotter contre ma jambe, hein? Ça veut pas dire qu'elle a faim. Oh. Déplacé. Ah, ça, c'est bon, ça, des croque-monsieur, là, à Sodexo, là, la cafétéria. Ils devraient faire un spécial croque-mort. Les autres aussi, des fois, ils ont la mort. Ouais, c'est... Ah! Au moins, t'as pas dit qu'ils servent Jean-Guy depuis qu'il est en retraite. Hey, vous êtes pas gentils! C'est une blague! Je l'aime, c'est une blague. On les aime, nos amis de Sodexo. Oui, on aime pas... On les salue! On aime pas leur prix, mais on aime les gens qui y travaillent. Si jamais vous êtes plus hockey... Ben, vous pouvez y aller. Puis il y a 500 $ en prix à gagner parmi les gens déguisés. Mm-hmm. Alors, vous pouvez aller y aller. Si on se déguise en mascotte, puis il y a comme une confusion entre la mascotte puis la vraie mascotte, puis là, genre, il faut que t'en tires une parce que même qui est diabolique. Puis là, tu sais pas, comme dans les films. Pareil. Hey, ça nous commence à sonner de lundi matin, ça. Hey. Les hôtesses d'Hilaire, la pièce, regarde-moi. Je devrais peut-être m'excuser auprès de nos... auditeurs ce matin. Faut les brusquer des fois, sinon ça va être complaisant. C'était pour mieux vous réveiller, les amis. Comme, ah, on dirait voilà. C'est qui ça? Le méchant loup? Dans Cornemuse. Dans Cornemuse, et boy, on mélange les affaires à matin. Et une semaine sur deux, on a quelqu'un de plus le lundi qui s'ajoute, en fait, à toutes les semaines. Sauf que l'autre semaine, c'est David Ferron, c'est moins important. C'est pas vrai. C'est une blague, il nous écoute en plus, ouais. Je sais. J'aime ça faire des blagues aux gens qui nous écoutent. Par rapport au camping hivernal, pour se retenir, là, pour être sûr de garder la chaleur avec vous, prenez un bol, vous remplissez de neige, vous faites des trous avec vos doigts dedans là, okay. Pour que ça fonde plus vite. Donc l'eau va bouillir, vous le transvidez dans une bouteille d'eau bien simple et vous la gardez avec vous dans le sleeping bag. Oh, donc wow. On ne pense pas tout le temps, c'est super simple à faire. Sinon, tu peux pisser dans la face de l'autre aussi. Ah! Ah ouais, ça peut être une bonne option, mais un peu moins propre, un peu moins hygiénique. Ouais. Je tenterais peut-être pas cette approche-là avec tout le monde. Et on va commencer par le premier qui est Dubaï. Pourquoi est-ce qu'on serait attiré par aller à Dubaï? Ben, leur slogan « Just Dubai My Love ». Ben oui, exactement. C'est sûr que c'est ça leur slogan. Par la suite, il y a les souks. Je sais pas si je l'ai dit correctement. Les souks. Souks à crème. Souks. Très touristique parce qu'il y a... C'est un peu comme une cabane à souk, comme on dit. Hein? Si eux viennent ici, ouais, j'imagine. J'imagine. Hey boy. Et il faut surtout pas manquer le Gold Souk, qui est en fait le plus grand au monde. Donc, c'est un petit centre d'achat, mais c'est le plus grand au monde, OK? Donc, pensez-y. T'as aussi le sport, le souk à la corde. Hey, t'es terrible à matin. Ah, centre d'achat. Ça commence comme un porn, en plus. Tu trouves pas? On va repartir, va. Je sais pas, mes connaissances du porn sont pas si... Imagine-toi un gars à moustache qui rentre, tu sais. Là, j'ai juste la face de Freddie Mercury. Ce matin, c'était quand même assez facile... C'est l'été aujourd'hui, oui. ...de venir au travail dû au soleil, justement. Tu t'es arrivé à l'avance? Ben oui, en plus. Oui. Mathieu est arrivé à l'heure. OK, ouais, c'est vrai. Pour moi, à l'avance, ça veut dire exactement à l'heure. Exactement. Comme Alfred dans Batman. Ouais. Alfred, le... Moi, là, ça pue-tu avec lui, mon super-héros préféré, oh, wow. Alfred, man. Hey, toi, j'aime les hommes d'âge mûr, hein? C'est ça. Oh boy. Oui, j'avais le mot de Alfred Hitch My Cock à quelque part là-dedans, j'ai pas fait. Ah, tabarne. Une chance que j'ai pas fait. Est-ce que vous avez vu le dernier Captain America? Contre le soldat de la neige, là. Je savais pas que la version française, c'était contre le soldat de la des neiges. Oui, oui, exactement. Puis tu vois qu'il bégaye, tu sais, il était pas sûr quand il l'a écrit. Puis. Veux-tu savoir ce qui va être agréable aussi? Là, c'est d'avoir comme quelqu'un entre deux personnes qui se sent comme pogné entre Jean-Philippe et Tania. Ben, je vois pas regarde ça, comment les roulettes, ça peut être pratique sous une chaise. Hey, c'est un peu tassé. Il peut bouger, je sais pas, on peut faire la danse du ventre. Du roulis-roulis. De perdre du poids en même temps qu'on anime à la radio. On accueille l'animateur de Génie en Liberté, Samuel Girard, salut. Eh, bonjour. Colin, ça c'est ma faute. Ça c'est moi, le débutant en radio qui a pas ouvert. T'avais encore oublié d'ouvrir mon micro. Je sais pas ce que t'as, c'est quand t'arrives entre deux affaires. Entre tout ça, on s'est fait traiter d'affaires. Entre deux affaires, c'est nous. Entre deux affaires. Je suis pas responsable de ça. affaires. Mais vous êtes des maudites belles affaires. Des affaires particulièrement séduisantes. Jean-Philippe Charbonneau et Tania Bonnet. Les meilleurs moments d'Assemblage Requis, l'émission du matin pour la semaine du 26 octobre et celle du 2 novembre 2015. On nous écoute bien sûr tous les matins entre 6h30 et 9h30 du lundi au jeudi. Puis on tient juste à rappeler que la raison pour laquelle on dit autant de niaiseries, c'est parce qu'il est très tôt le matin. C'est ça, exactement. Et parce qu'on a des personnalités comme ça, de gens qui se foutent clairement de faire rire d'eux-mêmes. Mm-hmm. Tu ne vas pas une risée, tu ne vas pas une rasée, mon Dieu. Oui, exactement. Tu fais raser là. Jeu de mots de poche, quelque chose. Ouais, je sais pas. C'est comme un gag à construire vous-même. Oui. C'est ça qu'on vous offre tous les matins, lundi au jeudi, 6h30 à 9h30. Yo, bro! Vous prenez ce que vous voulez, puis vous laissez ce que vous voulez. Comment s'appelle l'émission? Assemblage requis. C'est des morceaux. On vous fournit les pièces et vous faites ce que vous en voulez. Vous pouvez les mettre au recyclage, si ça vous tente. Il y a une machine pour ça à côté de la bibliothèque. Si un jour on nous retrouve dans une petite machine à côté de la bibliothèque avec qui est en train de faire des babayes par la slot. Encore un jeu de mots de slot. Mathieu, t'es... Je sais pas ce qui se passe avec toi. Est-ce que tu veux en parler? Alors, on devrait s'ouvrir une ligne ouverte. Ah! T'es pas game! Non, c'est pas game. De consultation. Ça serait malin. Dites-nous c'est quoi notre problème. Ouais. Bref. Non, pas notre problème. On va vous dire ce qui se passe avec vous autres, mais pas avec nous. On va vous en inventer des problèmes. On veut pas qu'il se passe rien avec nous autres. Position numéro 8 des palmarès du côté anglophone, c'est Cave Boy avec Something Like Summer qui est stable. Et du côté francophone, eh bien, c'est Francis Faubert avec Maniwaki. Oh! Ouais, comme ça, là. Dis de même, comme si j'étais une bûcheronne. Oui, c'est-tu le nombre de maladies si t'as une Maniwaki, on dirait, genre... Maniwaki. C'est comme un problème de manie? OK? Ouais. Quand j'ai une manie de quelque chose, un TOC, un trouble obsessif compulsif. Oui. Et Waki comme dans. Walkie-talkie. Ah oui. Ça, c'est bon, c'est drôle. Ou sinon, je m'en vais faire un jeu de mots avec. Tu sais, le gars qui monte Tain Marche. qui mange des œufs crus. Hein? Ben, c'est Waki, voyons! Manu Waki. Waki 1, t'as Waki 2, t'as Waki 3. Ben oui. T'as les Wookie. Wookie. Dans Star Wars, Waki 1, mm-hmm. Waki 2, Waki 3. C'est pas massif. J'attendais le bon moment qu'on me sacre la paix. Les années m'ont creusé le visage, le temps a usé mon courage. Je serai plus jamais le pourvoyeur de rêves déçus par le malheur. Les sacrifices et la routine sont des complices assassines. J'ai fait mon temps, élevé mes enfants. J'étais mon cœur et ses erreurs. J'sac mon camp sur les ailes du vent. J'ris pis j'pleure en même temps. J'étais soldat de la raison. La guerre aux ambitions. J'ai pris mes désirs pour des caprices. Je peux plus vivre en coulisses. J'ai jamais vu se lever le soleil autrement que pour gagner ma paye. J'ai jamais apprécié l'horizon ailleurs qu'assis dans mon camion. J'ai we'll be right back. j'ai changé ma jeunesse. Les belles folies quand une promesse. Ce soir je sors ma vieille Kawasaki sous les étoiles du ciel de Maniwaki. Vous êtes assez fou. 89.1. 8. Cave Boy et la pièce Restless, plus 1 en 9e position anglophone. Et du côté francophone, ben j'attendais qu'elle finisse. Oui, t'es tellement respectueuse, tu sais. Ben je sais bien. Ben je sais. Du côté francophone, c'était Maniwaki de Francis Faubert. Ah oui! Le prochain bloc va être un bloc 75% noir, comme le chocolat. Ça va oui. Coûter un petit peu plus... Oui. Un petit peu plus dark. Donc, on va sauter par-dessus une seule pièce, celle des connards à l'orange et l'autobus, l'ancien numéro 1. Oui, l'ancien numéro 1. Ben oui, là, c'est là qu'on vous le dit. Hein? Bing bang, ils sont plus numéro 1. Ah, tantôt, on entendra The Deers et Simon Kearney, mais on débute en position numéro 7 anglophone. Anglophone numéro 7, eh bien, ça va être US Girls avec Window Shades. Oui, tout à fait. US Girls, des filles américaines. Oui. On aime ça. Mais c'est pas eux qui sont pas seulement juste des filles, si je me souviens bien. On l'avait dit quand c'était une nouvelle entrée, mais tu vois qu'une fois que la pièce n'est plus une nouvelle entrée... On oublie. On oublie absolument tout. Oubliez ça. Nous autres, on sait plus où on s'en va. Mais non. Ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre. C'est comme ça. C'est ça. Mais c'est pas le palmarès, c'est fou. Au 89 FM. Dans vos oreilles. Jusqu'à 18h. Jusqu'à temps que ça sorte par l'autre oreille. Jusqu'à 18h ou 20h ou 15h. La fin de votre balado diffusion. C'est ça, ça dépend. De quand vous l'écoutez. C'est ça qu'on dit pas. US Girls. There's nothing else. I used to pray for the heaven to fall. The Deers, sixième stable en anglophone. Et du côté francophone, eh bien, on a entendu Simon Kearney avec En attendant. Avant ça, on a entendu US Girls avec Window Shades qui montait de deux places en septième anglophone et on a sauté par-dessus la septième franco. Bien oui, qui étaient les Connards à l'orange avec leur pièce L'autobus qui était la semaine dernière en première position. Alors, qui se retrouve en première position cette semaine? Ouch! Du nouveau, j'aime ça la nouveauté, moi! On va savoir plus tard! Je carbure à ça! C'est la fin de la deuxième heure, la portion top 10. On se retrouve pour la portion top 5, tu l'as dit dans quelques instants. Oui. On va savoir, du côté anglophone, on n'a pas encore appris si le numéro 1 de Matador, c'est toujours au sommet. Aucune idée. On sait pas. On saura tantôt. Tantôt. Et tantôt. C'est comme ça. Il reste une heure à peu près. Oui, à peu près, à peu près. C'est là. C'est... Dépendant. Pause. Aïe, tes transitions terrible, sont bonnes. Hein? Je sais. Je suis pleine de surprises. C'est faux! T'es pleine de quelque chose, en tout cas. C'est fou, 89.1 FM. FM. Bonjour, c'est toujours les Palmarès Sifou pour l'édition, l'édition du 9 au 15 novembre 2015. Elle est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. En effet, c'est la portion top 5 de l'émission et on va se rendre jusqu'au numéro 1, ça c'est garanti. C'est sûr. Dans les deux autres heures, on saute des affaires. Mais là... Rarement là. Rarement, c'est vrai, hein? Rarement d'un 5 à 1. Ben c'est comme si on avait décidé de mettre les chroniques accessoires dans les deux premières heures pour s'assurer d'avoir les positions numéro 5 jouées au complet. C'est comme si c'était prévu d'avance. Ah ben Moses! Ah ben Colin, qui est le génie qui a pensé à ces affaires? Je sais bien pas, hein? Position numéro 5, anglophone. Et ben Colin, je vous annonce dès le départ que c'est l'ancien numéro 1 de Matadors et Three Wolf Moon. Triste. Ben ça veut juste dire que ça va être encore une nouvelle surprise pour la première position anglophone. T'es toujours en train de nous ramener ça au beau côté des choses. Je sais, tout le temps. Positiviste, positiviste. Bravo, bravo. Le contraire de moi. On essaye. Hey. Non, c'est facile, je l'ai dit. Dans le sens que moi, je suis belle. Moi, je suis intelligente. J'ai jamais dit ça. OK, ça, c'est pas comme les verres chez Starbucks, que c'est pas parce qu'il y a des dessins, qu'il y a pas de dessins de Noël dessus que ça veut dire que c'est pas anti-Noël. Ah, c'est bien cette histoire-là. Non, je disais, on essaye d'être toujours positif. Ah! Ou positive, dans mon cas. Oui, c'est ça. C'est moi, de voir j'ai le... Non, mais prononce, qu'est-ce que tu... Position numéro 5, francophone, c'était... Ouais. Malaise! C'est... Ah, dis-le pour que je parte là-tout! C'est les incendiaires avec Tozuku, mon petit côté japonais. Bravo! Walk and roll! Oh mon Dieu! C'est pas mal, c'est fou. Contrôle le commerce des plaisirs, la guichon et chasse à l'eau. 5. Saturday night, gonna set this town ablaze. Gonna leave this city of sinners, everybody gonna know my name. I got three wolves in my heart, I got three wolves on my chest. Gonna have my pick of the bitches, gonna pick which bitch the best. You hear me howling, baby, I'm just howling for some food. And you can smell my musk, baby, from clear across the room. Come now, man, what the hell you think you're looking at? This is the first time in your sad life that you ever seen a one-man wolf pack. I got she-wolves on my left, I got she-wolves on my right. Gonna take your she-wolf home, gonna teach a new trick tonight. Hey, hear me howling, baby, all the ladies start to swoon. Perdu le reste de ma tête confondu. La guerre avec la fête pour être avec toi, contre toi. Je t'attaque et je veux que tu m'aimes. Je détraque et me surprends moi-même à glisser comme une ombre dans ton monde. Sans toi, je fais les 100 pas qui mène à notre prochain rendez-vous. Prends-moi, ou alors rends-moi. Je suis folle de vouloir te rendre fou. Je ne sais plus ni quoi faire, ni quoi dire. Donne-moi la raison de ce délire. Je perds tous mes moyens, mais si tu pars, je fonctionne encore moins. Un bloc de 4 qui se termine avec Metric et Stable en 4e anglophone avec Four Kicks. Et du côté francophone, eh bien, comme on vous l'avait dit, on a entendu Les Incendiaires avec Touzoukou, mais tout juste avant, c'était Joël Saint-Pierre avec Son Pas. Mm-hmm. Et entre Joël et Les Incendiaires, il y avait aussi The Matadors avec Three Wolf Moon, lancé numéro 1 anglophone qui est en 5e cette semaine. Mm-hmm. Mm-hmm. Ah, il nous reste le top 3. On entre dans le top 3. Mais oui, on entre déjà dans le top 3. Embarque et ferme la porte. Et voilà. Boy, les effets sonores, toi. Ouais, je sais, c'est terrible, mon enfant. On a appris ce matin que t'as réussi à te rendre jusqu'à faire un bruit de cochonnet. J'ai réussi. Alors, fais-le donc, voir. Je savais que t'allais le demander. Ben, tu sais. Hey! Bravo. Bravo. Voilà, c'est fait. Elle l'a appris aujourd'hui à le faire. Ben non, mais c'est parce que ce qui arrive, là, c'est que je suis pas capable de le faire sur demande, mettons. OK. Sauf que si... si je ris beaucoup... Oui. Mais on fait tout ça, rire en petit cochon quand on rit ça trop. Ça m'arrive. Hein. Cette fin de semaine, ça m'est arrivé. En tant que ça t'arrive pas pendant des relations sexuelles consentantes. Hein, non, mais ça m'est arrivé devant quelqu'un que ça ne tentait pas que ça m'arrive. Oh mettons. Boy, oh boy. C'est gênant, là. Ouais, un peu. Hein. Surtout qu'il le remarque. Mais ça a dû faire ton charme. Ah, oh, j'imagine. Sûrement. J'espère. Ben, c'est ça. Appelle-nous. Appelle-nous au 819-376-5830. Numéro 3, anglophone, ça monte de la 18e. C'est nouveau la semaine passée. Ça monte là, d'un coup tout à fait sec. Ça monte comme une queue de cochon. Ben oui, en petit bouchon. C'est Purple Rage de Dilly Dally. Et du côté francophone, eh bien, ça saute. On dirait que t'es un petit peu comme gêné, je te dis. Non, aucunement. Ça saute de 5 positions et c'est Navet Confit avec Mannequin de magasin. Au palmarès, c'est fou! 89 FM. Le téléphone sonne. Le téléphone sonne. Le téléphone sonne. Mais le mannequin ne répond pas. C'est bientôt l'automne. C'est bientôt l'automne. C'est bientôt l'automne. Mais le mannequin ne le sait pas. Mais le mannequin ne le sait pas. Ouais, ça finit de même, ça. C'était Dilly Dally et Purple Rage qui montent de la 3e, de la 18e place à la 3e anglophone. Et du côté francophone, eh bien, on le dit, on a fait un saut de 5 positions parce qu'on passe de la 8e à la 3e pour Navé Confi avec Mannequin de magasin. On célèbre les pièces avec un long silence à la fin. On fait ça depuis ce matin, hein? Ben, je sais pas ce qui se passe. C'est les 30 secondes. Tu sais, c'est ça, il reste plein de temps. Tu te dis, ah, crime, c'est lousse à la mort, finalement, non? Ça chante plus. Position numéro 2. Du côté anglophone, c'est The Fratellis qui monte d'une place avec Me and the Devil. Et du côté francophone, eh bien, je pense qu'on peut maintenant dire un classique du palmarès, oui. C'est fou. J'approuve. Galaxy avec Portugal. On part en voyage. C'est le palmarès, c'est fou. Au 89 FM. Thank you. most beautiful lie for me. Make all your promises rhyme for me. Keep me in line, but do it honestly. Make it real, make it slow, stay alive for me. Je sais pas s'ils mettent ces ambiances-là à la fin des chansons, juste pour les animateurs de radio qui puissent parler par-dessus. Probablement. Peut-être que c'est pour nous. Ben, c'est sûrement pour nous. Si c'est pour nous, ben arrêtez donc. Ben, si c'est pas pour c'est nous, ça. En tout cas, on se l'approprie présentement. Pas mal ça. Donc, The Fratellis' Me and the Devil monte d'une place en deuxième anglophone. Et du côté francophone, eh bien, ça l'a monté de deux places pour ce qui est de Galaxy avec Portugal. En effet, mais un bon bloc. C'est oui, mérité les premières places, mais que voulez-vous, c'est pas le cas. Eh ben non. Eh ben non, mais... Malheureusement, pour eux, ils ne sont pas numéro 1, mais les numéros 1, eux, sont chanceux de ne pas être numéro 2, tu sais. Chacun sa place, chacun son tour. Oui. C'est comme dans une équipe, chacun a le moment de parler, tu sais. Exactement. Comme mettons le... ça va pas mal. C'est un gag qui tombe à plat. Ben oui, mais c'est pas grave. Que voulez-vous, tu sais, amenez-en des blagues comme ça, moi, c'est comme tu m'envoies la balle, puis moi, je te frappe ça, là. Mm-hmm. Je te frappe ça, là. Donne-moi-en des balles. Ben oui, oui, inquiète pas, je t'en lance, là. Donne-moi-en des raisons de faire des gags. Pow! Je t'en envoie une en plein dents ou en plein... Qu'est-ce qui rime avec Adamus? Papyrus, sûrement. Anus. Hey! J'essayais de tout faire pour ne pas aller dans ce sens-là, puis toi, évidemment, tu te snatches ouais, ça. Hein. C'est la première fois que je dis quelque chose d'aussi déplacé à la radio. Est-ce que t'as entendu que je t'ai dit que je te snatchais ça? C'est dégueulasse. Tu l'as laissé passer, hein? Ouais. Tu l'as laissé... Je l'ai laissé. C'était pourtant ouvert bien grand. Tu vois ce que je veux dire? C'est dégueulasse. Comme un chien qui dans un auto, s'ouvrirait la bouche bien grande et enverrait la langue de tout bord, tout côté. Oui, oui, oui. Il n'y a aucun référent sexuel là-dedans. Mais non. Absolument pas. C'est pas comme au centre-ville, sur le coin de la rue, où tu pourrais trouver... Des gens qui te dictent ton futur. Oui, mettons. Ouais, des mendiants. Ou peut-être, oui, le futur. Ouais. Ou même le passé. Oh. Ou peut-être même le passé. Ou peut-être même d'ici ou d'ailleurs, comme genre dans l'Union soviétique. Ouais, ouais, ouais. Ou des contrées lointaines comme Sorel. Ouais, ça, c'est lointain, hein. Bon, tu vois, j'ai pas annoncé à l'avance qu'on allait faire des jeux de mots, donc là, les gens comprennent rien de ce qu'on veut dire. Oui, ils sont comme si eux autres, ils ont dû faire de la drogue avant d'animer. C'est ça. Il me semblait que j'avais entendu dire que la fille était allée à l'école de radio, t'sais. Mais non. Mais non. Vous avez tort. Donc, explique-nous... N'importe quoi. So what? Qu'est-ce que ça change? Explique-nous les jeux de mots, s'il te plaît. Eh bien, voici les jeux de mots. Parce que en première... On commence francophone ou anglophone, Mathieu? Franco, s'il te plaît. Franco? Pour remporter. Okay. Allons-y. Alors, pour remporter en première position du palmarès francophone, eh bien, la semaine dernière, il... Il, oui. Il, et non ils, okay. Avec un S, mais bien il, tout seul. Il était en troisième position, et c'est Bernard Adamus avec Donne-moi-en, d'où les balles de baseball. Oui, d'où le jeu de mots d'anus de la part de Tania Baudin. J'ai aucune association avec ça. Là, j'aimerais, s'il vous plaît, qu'on me la remette pas en plein visage demain matin dans l'émission. Ça vient de l'album Sorel Soviet So What. So What, exact. So What. D'où, d'où les comtés lointaines de Sorel et de la soviétique. D'où a dit di di da di di du. D'où a dit di di da di di du. On a le temps de le faire, fait qu'on le fait. Hein? Oui. Et du côté anglophone, eh bien, la semaine dernière, oui, ils étaient en deuxième position. Cette semaine, ils sont en première position. On est quand même contents d'y voir là. C'est la pièce Downtown du band The Ship Dogs, d'où les chiens avec la langue sortie qui, par la fenêtre de l'auto. Là, et aucun référent sexuel, exactement. Aucun référent sexuel. Puis, bien évidemment, au centre-ville, comme le disait si bien Mathieu, on trouve des gens sur le coin de la rue. Des fois, ils nous dictent notre futur, comme ils peuvent nous dicter notre passé, parce que la pièce Downtown se retrouve sur l'album Future Nostalgia. T'es en train de dire que les personnes au coin de la rue qui vont te dicter ton futur, ils te disent eux quoi faire, et vu qu'ils t'ont dit quoi faire, tu vas aller le faire. Donc, non, c'est pas des diseuses de Bonaventure, c'est juste des dictatrices de Bonaventure. Mettons, là, tu vas tomber en amour. OK, de base, je m'en vais tomber en amour. Hey, voulez-vous tomber en amour avec moi, monsieur? Ah, mais c'est sûr que s'il est rendu 11h30 et tu t'en vas dans le bar, il y a de bonnes chances que tu décides de tomber en amour. Hein? C'est ça. Puis s'il est 2h30 du matin ou peu importe... Tu reviens dans l'amour. Peut-être que tu reviens d'en avoir. Ou encore, t'es au pizza 2 points puis t'es en train de penser que tu faisais la bonne aventure par la fille qui fait tes frites, t'sais. Oui, ça, c'est vrai. Hein? Ça se peut, ça. T'sais, celui qui coupe la pizza aussi. Peut-être, on sait pas. Chacun boubou. Donc voilà, on s'en va entendre les numéros 1 du côté anglophone de Sheepdogs. En francophone, tout de suite, voici Bernard Adamus avec Donne-moi-en au 89 FM. C'est fou. Des balles de baseball. Des balles de baseball. Des balles de baseball. Des balles de baseball. Des balles de baseball. Parti Scorpio, singe bonobo, pis de guédine sur flair en potin de taille. Achète l'épaule sur le rock'n'roll, les gars filent d'eau, mais ça de yodo. Les gars filent d'eau, mais ça de yodo. Paraît peut-être pas, mais ma tsicadone n'a pas une grande demande, t'en as plein les bras. Paraît peut-être pas, mais ma tsicadone n'a pas une grande demande, t'en as plein les bras. Oh oui, donne-moi ça, juste dans ma main, y'a que de ça, pis de rêve que là. Oh oui, donne-moi ça, juste dans ma main, y'a que de ça, pis de rêve que là. Je sais que c'est que fait qu'il faut qu'on parte. J'ai une chum dans le temps, point non, c'est gros. Y'a les cheveux tout croche, la barbe d'un bras. Point dans l'œil qu'il grise, les doigts qui frisent. Si toi tu bois, lui double la mise. Il bouge pas là, pas simple à suivre. Il passe une mop, là il change de chemise. Il drop des scotches, de grip et clutch. Il tête une pop, ça lume, c'est une botch. Mais dans sa main, une drôle de bébé. Il travaille fort, le moins souvent possible. Il lance des sommes au gré dans le noir. Des fois, il est ben bonheur, puis il a t'asseoir. Il lance des sommes au gré dans le noir. Des fois, il est ben bonheur, puis il a t'asseoir. Tire, donne-moi ça, juste de même. Mais rien que de ça, puis de rêve que là. Oui, donne-moi ça, juste de même. Rien que de ça, puis de rêve que là. Que je sais, tu sais, que c'est que fait qu'il faut qu'on parte t'asseoir. Que je sais, tu sais, que c'est que fait qu'il faut qu'on parte t'asseoir. Les jours intenses, et me shooter une peine de blanche. J'enlève le coup dans tous ces marches. Au plan de score, va sur escort dans mes oreilles. J'entends de l'écart, le compte à rebours. Indice, passez pour ma question. Voici, je m'agresse le week-end. Big me roule la soupe pour mettre la tournée. J'ai mis que les fonds, on rajoute. Puis on radote la note à monte. La BDSA, si je pêche dans un gramme. Deux sucres, une crème. Je pique à Joe pendant le week-end. Fait chauffer le casque en début de semaine. Excès d'avoir action. Elle t'aime courage. J'ai qu'elle me coule la mine. Me raboule, me ramène à vos autres, mon capitaine. Elle a pétune Shawinigan. M'a dit qu'elle bonne Kamag. Me raboule, me ramène à vos autres, mon capitaine. Elle a pétune Shawinigan. M'a dit qu'elle bonne Kamag. Juste de même, rien que de ça, pis de que là. Dans-moi ça, juste de même, rien que de ça, pis de que là. Rien que de ça, pis de que là. T'arrêtes d'être pas, mais me dis qu'à toi, pas une grande main, t'en as plein de beau. T'arrêtes d'être pas. position. Plans. Don't say maybe it's good to feel alive and waste away time. Close your eyes, my sweet baby, it's a crazy time. It won't change me, try to understand. I'm a complicated man, a diamond in your hand. De chaque côté, on vient d'entendre le Sheepdogs et l'ancien numéro 2 qui monte une place. La pièce s'appelle Downtown. Du côté francophone, eh bien, c'est Bernard Adamus qui est rendu en première position. Il était en troisième la semaine dernière avec sa pièce Donne-moi-en. Oh, ben oui, donne-moi-en. Toi, donne-moi tout ce que t'as. C'est presque la fin. Il nous reste encore un petit peu de temps pour entendre des pièces qu'on a sautées. On vient avec une francophone et une anglophone. Je te propose pour débuter The Paper Kites en 13e anglo avec Electric Indigo qui est stable. Et pourquoi pas, Mathieu, je te propose aussi la 13e position du côté francophone avec ta playlist de On a créé un monstre. Ah ben, j'avais même pas vu que c'était les mêmes positions. Tant qu'à faire, on va commencer par toi, tu sais. Ah, OK. On écoute ça. On a créé un monstre. On a créé un monstre. OK. Ouais, comme ça. Ouais. C'est pas le marais, c'est fou. Au 89 FM. Ah, tu l'as l'affaire. J'attends ton arrivée. Regarde ton absence. Rend silencieux l'appart. Tu vois, la pièce est plus On dirait pas un groupe qui devrait s'appeler comme ça, mais c'était The Paper Kites avec Electric Indigo, stable en 13e position anglophone. Et on a aussi entendu la 13e position francophone qui était ta playlist de On a créé un monstre. Ouais. Il me semble que Paper Kites, ça fait un petit groupe enjoué de jeunes. C'est vrai, là, hein? Je sais pas, ça veut dire ça, c'était country. Mais bon. Ouais. C'est bon pareil. Mais oui, c'est bon. C'est bon pareil. On aime ça. C'est tout pour les paroles assez fous de cette semaine. On se retrouve en direct mardi prochain entre 15h et 18h. Restez à l'écoute à 19h, ce sera réanimation, l'émission de métal et d'horreur. On repasse les vendredis entre 17h et 20h après Nouska et Punka, les Bonnets Rouges. Et les dimanches entre midi et 15h. Restez à l'écoute en général. Sif.ca pour la programmation complète. Assemblagerocky.com pour les notes de l'émission, les balado-diffusions. Merci Tania Baudin. Merci Mathieu Plante. On se retrouve à Assemblage Rocky du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30. Et en direct à partir de 7h30. Et moi, je vous retrouve au Mathieu Plante Show les mercredis entre 15h et 17h. À la semaine prochaine, on se quitte avec une pièce qu'on a sautée encore une fois. On a du temps pour trois pièces, c'est quand même cool. Donc, on se quitte avec la position numéro 11 anglophone. C'est Kurt Vile avec Pretty Pin Pin, une très longue pièce. Bye, Tani. Bye, Mathieu. À demain matin. Bonne journée, oui. Bye. Bye. That's just me. Then I proceeded to brush some stranger's teeth, but they were my teeth, and I was weightless, just quivering like some leaf come in the window of a restroom. I couldn't tell you what the hell it was supposed to mean, but it was a Monday, no Tuesday, no Wednesday, Thursday, Friday. Then Saturday came around and I said, who's this stupid clown blocking the bathroom sink? Just like all I want is to just have fun, live my life like a son of a gun. I could be 1,000 miles away, but still mean what I say. Then I woke up one morning, didn't recognize the man in the mirror. Then I laughed and I said, oh silly me, that's just me. Then I proceeded to comb some stranger's hair, never was my style. But I couldn't tell you what the hell it was supposed to mean, cause it was a Monday, no Tuesday, no Wednesday, Thursday, Friday. Then Saturday came around and I said, who's this stupid clown blocking the bathroom sink? But he was sporting all my clothes, I gotta say, pretty pimpin'. Sporting all my clothes, I gotta say, pretty.